بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui qui détient le pouvoir absolu. Il est l'omnipotent. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de reconnaître quels sont parmi vous ceux qui accomplissent les meilleures œuvres. Il est le Tout-Puissant, le Tout-Indulgent. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. C'est lui qui a créé sept cieux superposés. Tu ne verras aucune disproportion dans la perfection de l'œuvre d'Allah. Promène donc ton regard. Constates-tu des failles? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Promène ton regard par deux fois et ta vision te reviendra confuse et harassée. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nous avons aussi embelli le premier ciel par des étoiles lumineuses qui servent à lapider les démons pour lesquels nous avons préparé le châtiment du brasier. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ceux qui ne croient pas en leur Seigneur iront dans la Géhenne, misérable destin. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير. Quand ils y seront jetés, ils entendront son grondement quand elle bouillonne, sur le point d'éclater de fureur. Chaque fois qu'un groupe y sera jeté, les gardiens leur demanderont: n'avez-vous pas reçu de messager pour vous avertir? Ah si, répondront-ils. Nous les avons certes reçus, mais nous avons refusé de les croire, leur affirmant qu'Allah n'avait rien révélé et qu'ils n'étaient que dans un égarement manifeste. Et ils ajouteront: si nous étions doués d'entendement ou de raison, nous ne serions pas les hôtes de ce brasier. Ainsi auront-ils reconnu leur péché. Maudits soient les hôtes de l'enfer. En vérité, ceux qui, en l'absence de tout témoin, redoutent le châtiment de leur Seigneur auront son pardon et sa belle récompense. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَرُوا بِهِ إنه عليم بذات الصدور. Ô vous les infidèles, que vous exprimiez votre opinion en secret ou en public, peu importe. Allah sait parfaitement le contenu des cœurs. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne connaîtrait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil et le savant. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui a domestiqué la terre pour vous. Vous pouvez vous rendre dans tous ses confins et consommer les produits qu'il vous a procurés. Mais c'est à lui que vous serez ramenés après la résurrection. Amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Êtes-vous assuré que celui qui est au ciel ne peut faire trembler la terre sous vos pieds, et la voilà qui se met à vaciller ? أَمَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Ou bien êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne peut déchaîner sur vous un ouragan dévastateur? Vous saurez alors les conséquences de mes avertissements. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Avant ce peuple, d'autres m'ont renié. Mais quelle ne fut pas ma riposte? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Ces infidèles n'ont-ils pas observé les oiseaux au-dessus d'eux qui planent et battent des ailes? Seul Ar-Rahman, le clément, les maintient en vol. Il voit tout. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Quelle est la force qui peut vous protéger contre Ar-Rahman, le clément? En vérité, les mécréants ne sont que dans une présomption illusoire. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Qui peut vous fournir des moyens de subsistance si Allah retient ses vivres? Mais les infidèles s'obstinent dans une rébellion insolente. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Celui qui marche le visage contre terre est-il mieux orienté que celui qui marche la tête haute sur un chemin bien droit? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dis aux infidèles, c'est Allah qui vous a créé et doté de la vue, de l'ouïe et de la raison, et vous en êtes si peu reconnaissants. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. C'est lui qui vous a disséminé sur terre, et c'est à lui que vous serez ramenés. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Les mécréants demandent, à quand le jour du jugement annoncé si vous croyez dire vrai ? قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Réponds-leur, Allah seul sait, et je ne suis que porteur d'un message d'avertissement. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Mais le jour où ils verront le châtiment de près, misérables seront les visages de ces mécréants. Il leur sera dit, voilà l'heure dont vous réclamiez l'avènement. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Dis aux infidèles, si Allah décidait ma perte ou celle de tous mes compagnons, ou au contraire, nous accordait sa grâce, en quoi cela pourrait-il prémunir les mécréants contre un châtiment douloureux ? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Dis-leur, Allah est le clément auquel nous croyons et auquel nous nous confions. Vous verrez bien qui, de vous ou de nous, se trouve dans un égarement avéré. Demande-leur. Qui pourrait vous fournir une eau abondante le jour où vos sources seront complètement taries ?